vous avez réagi à comment cette nouvelle-là? Parce que vous avez investi dans des installations ces dernières années. C'était une vision plutôt à moyen et à long terme que vous aviez. Votre long terme, on pensait qu'on était là puis qu'on allait sortir les pieds devant, là. Fait qu'écoutez, on a essayé de trouver des compromis. On s'est dit, bon, mais peut-être qu'il y a moyen de contribuer plus si les choses vont bien, puis d'accepter un niveau moindre de risque pour les années risquées. Un peu comme moi, je regardais le modèle du Cirque du Soleil, qui se trouve des partenaires pour partager le risque, mais qui partagent aussi les bénéfices. Puis écoute, on a vraiment essayé plusieurs formules, puis à quelque part, c'était impossible à se rencontrer là, à quelque part, au milieu. Vous avez l'air d'être une personne assez optimiste dans la vie, mais il y avait, j'imagine, une certaine déception quand même de voir qu'il fallait quitter ce local-là, qui est quand même mythique aussi, il faut le rappeler, parce que depuis les années 90, le maître verrier Jean Vallière était ici. On peut quand même dire que vous vivez avec une certaine déception ces événements-là. Ah oui, ça nous fait beaucoup de peine. Oui, quand on est rentré, on a tout repris le local, on l'a transformé à notre personnalité, mais à chaque petit coin, on rencontrait. Moi, j'ai jamais rencontré M. Vallière, mais je suis un peu nostalgique de personnalité. Je rencontrais, c'est comme, il a fait l'ouverture des fenêtres, il faisait comme ça. Son rangement, il faisait comme ça. Fait que je pense qu'on a appris à connaître la personne qui était là avant nous, puis a apprécié tous les choix qu'il faisait. Puis on sentait qu'on rentrait dans une continuité ça a de l'importance pour le quartier. Ça nous fait de la peine. Oui, il y a une grosse déception. Oui, on regardait ça à long terme, puis on se dit, bien, peut-être qu'on aurait dû voir plus à moyen terme, mais dans un certain sens, je pense qu'on a tellement eu une belle réception que... De la part du public et des visiteurs, vous parlez? Oui, des visiteurs, des gens de Québec, ça a pris un petit bout de temps, mais ils commençaient à savoir qu'on était là. Puis les gens de Québec, bien, c'est ce qui permet aux commerçants du quartier beaucoup là, de survivre en hiver. Alors, le support des gens de la ville de Québec, ça compte beaucoup pour le quartier. Et ça vous a touché dans les dernières années de voir l'appui des gens? Oui, oui, oui. Puis c'est juste de voir qu'il y a un auditeur qui était assez affecté pour aller appeler une station de radio, je trouve ça touchant. Puis je le remercie, ou je la remercie, pour nous donner cette chance-là de dire que c'est pas fini. En fait, d'avoir eu cette chance-là d'être ici pour 5 ans, je pense que c'est ça qui nous permet, sous une autre forme, de continuer dans la région, comme dans le Vieux-Québec, là, parce qu'on a des bonnes chances. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'ai un bon espoir là, que très, très bien fondé. Ben justement, parler... Pour rester dans le quartier. Donc, vous êtes confiante de même pouvoir rester dans le quartier Petit-Champlain? On n'est pas sûr si ça va être le quartier immédiat Petit-Champlain, mais ça va être le Vieux-Québec. Est-ce que ça va être un local et des installations de la même envergure ou ce sera plus modeste? Je pense que si c'est plus modeste, c'est légèrement plus modeste. Alors, je pense qu'on va réussir à avoir l'atelier sur les lieux. C'est ça qui fait aussi un peu notre personnalité, là, c'est que les gens viennent. Puis ouvert au public, gratuitement, puis la boutique est là. Si on réussit à vous charmer, puis vous voulez nous supporter, à ce moment-là, on a l'option qui est là. Mais on n'est pas le genre d'entreprise qui tord le bras de personne. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez repartir les mains vides si vous voulez, puis si vous voulez repartir avec... Puis les gens finissent par... Même s'ils n'achètent pas cette fois-ci, quand c'est le temps d'acheter un cadeau, ils font comme « Ah, mais je me rappelle qu'il y avait une place qui était sympathique », puis ils finissent par... C'est comme ça qu'on a établi le contact avec le public ici. Donc, vous nous le confirmez, c'est pas la fin des Trois Corbeaux. Vous allez poursuivre vos activités. C'est simplement un nouveau chapitre de votre histoire qui débute maintenant. Oui, puis si ça continue, c'est en partie parce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de nous léguer un local aussi. Ils nous ont choisi pour l'environnement immédiat. Puis si ça marche pas, je touche du bois pour que ça marche, mais vous me voyez pas, mais je touche du bois. Si jamais ça marche, nous, tu sais, dans 20 ans, dans 30 ans, nous, on va faire la même chose aussi, parce que je pense que c'est ça qui fait le caractère du Vieux-Québec comparativement à d'autres centres urbains. Les gens, les citoyens du centre urbain veulent garder le caractère. Puis je pense que ça se traduit visiblement. Dans quel sentiment vous habite quand vous pensez aux 5 dernières années où il s'est passé beaucoup de choses? J'imagine qu'il y a un sentiment de fierté de ce que vous avez accompli. fierté, je suis pas sûre. Je pense qu'on est toujours un peu trop épuisé pour commencer à avoir de la fierté. Je suis extrêmement contente de tout ce qu'on a accompli ici, des liens qu'on a établis avec nos employés, avec la clientèle, avec le voisinage. Je pense que où on était avant, dans la Naudière, ça allait bien, mais c'était limité. T'sais, on savait, si on restait là, qu'on allait faire la même affaire pour le restant de nos jours, puis à la fin de notre vie, on serait quand même à la même place. Puis ici, il y a tellement d'options. Puis on a fait des erreurs, évidemment, comme tout le monde, depuis qu'on est arrivé. Puis on a eu des beaux succès, puis on a appris plein de choses. Puis je pense que c'est l'horizon qui est plus large ici, à Québec. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à établir des bases solides, puis d'avoir beaucoup de possibilités devant nous. OK. Et avez-vous le sentiment qu'il y a des emplois qui sont menacés ou vous êtes confiant de pouvoir maintenir les emplois et le même niveau d'activité? Parce qu'ici, vous profitez d'un emplacement idéal du point de vue touristique l'été notamment. Vous avez bon espoir de rester dans le Vieux-Québec, mais avec ce que vous savez présentement, est-ce que vous êtes confiant de pouvoir maintenir les emplois et le même niveau d'activité? Je m'inquiète pour les trois vendeurs pour le temps où on va être en déménagement, parce que c'est sûr que quand t'as pas de boutique, des vendeurs, ça sert pas à grand-chose. Fait qu'on essaye de leur trouver d'autres façons de les utiliser dans l'entreprise. Par exemple, Marin travaille un peu dans l'atelier de verre soufflé. Paul fait de l'emballage pour nos commandes aux États-Unis. Fait que tout ça, puis j'ai une fille qui fait la troisième, on lui a fait faire un petit peu de finition, polissage du verre. Fait qu'on essaye de leur trouver d'autres options pour pas qu'ils soient complètement mal pris. Mais ça m'inquiète parce que surtout ceux qui sont à temps plein, c'est problématique pour le temps qu'on est parti. Si ça marche avec le nouveau local, moi, s'ils sont encore disponibles quand on va ouvrir, à ce moment-là, leurs emplois sont assurés. Très bien. Bien, écoutez, ça fait le tour de mes questions, puis je vous souhaite tout simplement un bon succès pour la suite des choses. Merci. Je touche du bois encore.